troisième temps de notre série consacrée aux catastrophes culturelles dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, le débat « Dépasser la perte ». Après avoir réfléchi lundi au destin patrimonial de sites de Syrie comme Palmyre avec Annie Sartre-Fauria, puis hier avoir essayé de comprendre ce qu'était un herbicide, nous allons nous demander ce matin comment dépasser la perte des monuments et des témoignages du passé. C'est ce que nous verrons avec Christian Jacob. Il est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et il publie dans une dizaine de jours aux éditions des Belles Lettres « Des mondes lettrés au lieu de savoir », un ouvrage dans lequel il réfléchit entre autres aux bibliothèques antiques, telles bien sûr la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. Alain Schnapp est également avec nous, il est professeur émérite d'archéologie grecque à Paris 1, il a dirigé longtemps l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris et il co-dirige aux éditions de la Découverte avec Jean-Paul Demoule et Dominique Garcia une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances. Il réfléchit et il est en train de finir d'ailleurs un ouvrage sur l'histoire des ruines, et Yves Hubelmann est également avec nous, il est président d'Iconem, une société qui tente de redonner vie à des monuments disparus ou abîmés par les guerres, par les conflits. Iconem est au cœur d'une exposition qui commencera la semaine prochaine. Elle s'appelle Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul. Elle commencera à l'Institut du monde arabe. Bonjour Yves Hubelmann. Bonjour. Bonjour à vous Christian Jacob. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints et bonjour à vous Alain Schnapp. Bonjour. Alors, vous êtes en train de préparer une histoire des ruines et vous avez, avec Dominique Garcia et Jean-Paul Demoule, conçu un ouvrage qui est une sorte de... Moi je dirais ça ressemble beaucoup à un faire de l'histoire, mais ça serait faire de l'archéologie, pourrait-on dire, une sorte de point comme l'a été faire de l'histoire en son temps dans les années 70, de ce qu'est une discipline comme l'archéologie aujourd'hui. Ça paraîtra la semaine prochaine aux éditions La Découverte, Alain Schnapp. Tout compte fait, vous êtes le mieux placé. Dépasser la perte, c'est ce que vous faites tous les jours quand on est archéologue. Oui, le défi de l'archéologie, le roi Gourand le disait très bien, c'est de détruire sa documentation en même temps qu'il la produit. Et c'est une dialectique de l'observation et de la perte qui est au cœur même de la discipline depuis qu'elle s'est définie au XIXe siècle, mais qui est encore bien plus forte dans ce que nous appelons le monde des antiquaires, c'est-à-dire des stratégies sur lesquelles Christian Jacob a attiré l'attention à diverses reprises, de ceux qui, dans les sociétés du passé, géraient déjà d'une façon... difficile et d'une façon aléatoire le passé, mais qui le faisait. On a toujours l'impression que nous arrivons avec nos outils modernes, avec les trois lois de l'archéologie, c'est la stratigraphie, la déposition des couches dans le temps, c'est l'histoire des techniques, c'est-à-dire la façon dont les hommes tirent de la nature des ressources, et c'est surtout la typologie, c'est-à-dire la façon dont nous, archéologues, arrivons à faire parler des objets qui, par définition, ne parlent pas, mais nous les mettons en série. Et de ces séries s'énonce le temps, s'énoncent les configurations qui nous permettent de penser. Le temps et l'espace même d'ailleurs. Le temps et l'espace, c'est-à-dire la stratigraphie est une réponse. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une stratigraphie universelle, on peut faire de l'archéologie partout. Or les antiquaires, eux, ne faisaient pas de la... Ils pouvaient faire... Il y avait les antiquaires des empereurs de Chine, les antiquaires des souverains égyptiens ou babyloniens. Mais ils ne pensaient l'universel qu'à travers... je dirais, la dette et le service qu'ils devaient à leurs mandants, les rois, les princes. Quand l'archéologie arrive comme une discipline proche entre l'histoire d'une part et les sciences de la nature de l'autre, elle révolutionne ce champ. Et la synthèse que nous proposons avec Jean-Paul Demoule et Dominique Garcia, elle vise à donner un état, des réflexions, des méthodes et des responsabilités éthiques de l'archéologie aujourd'hui. Ce qui nous ramène à la question que vous vous posez, comment faire avec les catastrophes, comment faire avec les destructions. Et ces catastrophes culturelles, Alain Schnapp nous tend la perche, Christian Jacob, on les a connues, y compris dans l'Antiquité, les tremblements de terre étant nombreux. On a vu des cendres, des temples, mais aussi des endroits de savoir et de connaissance dont vous êtes spécialiste. Vous avez travaillé, c'était en 2006 et 2007, je crois, pour un grand ouvrage collectif qui s'appelait « Lieux de savoir ». Et vous réfléchissez depuis très longtemps à ces questions des lieux de savoir antiques et en particulier de ces bibliothèques. Alors évidemment, on a un endroit qui vous est commun, pourrait-on dire, c'est Pompéi et la découverte de manuscrits récents dans les cendres de Pompéi qui peut-être pourront être lus avec, c'est le troisième intervenant qui pourrait nous en parler, des technologies nouvelles d'une certaine façon qui ne sont pas destructives, qui ne sont pas invasives en l'occurrence. Cette question de la perte, on se l'est posée très tôt dans l'Antiquité, Christian Jacob ? Oui, on pourrait dire que toute culture, finalement, doit affronter ces deux défis, la perte et également la reconstitution et la conservation. Donc je dirais que c'est une dialectique que l'on retrouve dans toutes les grandes civilisations lettrées ou orales, car ce sont des problématiques qui se posent également pour les sociétés traditionnelles. Que faut-il conserver? Que faut-il mémoriser? Que faut-il archiver? Et comment lutter contre les effets du temps et de la destruction? Alors ça peut être des bâtiments qui s'écroulent, qui sont brûlés. Ça peut être aussi des supports matériels comme les livres qui sont dévorés par les insectes ou qui sont noyés dans l'humidité. Ça peut être des vols, ça peut être des destructions volontaires. Parfois. Volontaire, tout à fait, des destructions politiques aussi dans certains cas, c'est-à-dire censure, autodafé et autres. Et donc on pourrait dire que d'Alexandrie à Fahrenheit, on a cette problématique de la sauvegarde, de la lutte contre l'oubli, l'entropie, la destruction, et peut-être en même temps une manière d'utiliser ces destructions et ces pertes pour... maintenir une culture, disons, et une mémoire gérable par l'esprit humain et par les sociétés, parce que si on conservait tout, s'il n'y avait pas de ruines, s'il n'y avait que des bâtiments entiers, des corpus de textes... On ne pourrait pas reconstruire les villes sur leurs propres ruines. On serait dans une logique borgésienne de cartes qui se superposeraient les unes aux autres à l'échelle 1-1. Alain Schnapp, sur cette question, vous avez forcément réfléchi à ces questions-là, puisque vous êtes en train de préparer, ça sortira dans combien de temps? 6 mois, 1 an? Oui, 6 mois, 1 an. Ouais. Voilà, une histoire universelle des ruines, cette question justement de la perte nécessaire pour pouvoir justement permettre à la vie, au développement des cultures et des civilisations d'avoir lieu. Bah, le Moyen-Orient a produit cela de façon structurelle, c'est ce que nous appelons les tels. Les tels, ça vient de... c'est un mot... arabe, hein, qui est atlal, c'est-à-dire ce qui reste de ce qui était avant nous. Et ce mot qu'on a repris à l'arabe moderne, pour les archéologues qui découvraient le Proche-Orient, c'était ces villes superposées. Donc cette conscience qu'ont les souverains mésopotamiens de la récurrence des civilisations, elle est au cœur de leur pensée de l'histoire. Au point que, dans le monde mésopotamien, on dit, enfin le vocabulaire qui dit le passé et ce qui est devant nous, et le futur et ce qui est derrière nous. C'est-à-dire qu'on regarde le passé. Parce qu'on le connaît. Et on se il est connaissable. Et de cette connaissance jaillit ce que Christian Jacob vient de nous dire, c'est-à-dire les reconstructions, les mots qu'on met sur les plaies. Les mots et les dessins. Et ça, nous entrons dans le domaine de l'architecte. Qui peut nous le dire? Vous avez une formation d'architecte et vous avez fondé avec d'autres une société qui s'appelle l'Iconem, qui est maintenant assez connue de tous ceux qui s'intéressent en particulier à la situation au Proche-Orient, après les guerres aussi bien d'Irak que de Syrie. C'est une société qui se propose justement de... penser les plaies, justement, les plaies des destructions de guerre, en imaginant des moyens, pour moyens numériques en particulier, pour pouvoir faire revivre ces sites en partie ou totalement détruits, Yves Hubelman. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, la technologie ouvre des nouvelles approches, des nouvelles réponses, en fait, face à la disparition, dont on parle, la disparition inexorable, en fait, des ruines, de la matière. C'est que aujourd'hui, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, grâce à l'imagerie très haute résolution, en fait, on peut recréer des copies numériques, en matière numérique, en fait, photoréalistes, du réel. Donc, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est on ne fait que traduire finalement sur un autre support, le support numérique, le réel, c'est-à-dire l'architecture, l'archéologie. Un petit peu finalement comme au Moyen-Âge, effectivement, les moines copistes en fait recopiaient les manuscrits des sources antiques qui nous sont parvenues grâce à ça. Donc finalement, c'est en changeant de support qu'on peut aussi... Mais on sait que quand on recopie, on faisait des fautes. Est-ce que vous Exactement. Faites des fautes ? Alors ça, c'est le rôle de la technologie justement qui devient de plus en plus précise et qui permet de minimiser en fait cette approximation à la fois géométrique et visuelle. Et on arrive aujourd'hui à des résultats effectivement, bah, qui donne à voir le réel quasiment comme si on y était, entre guillemets. Oui, mais ça, effectivement, c'est un travail qui s'affine chaque jour et qui prend appui, tout compte fait, sur votre formation d'architecte, tout compte fait, les élévations architecturales à partir de tambours de colonnes sur un site grec comme peut connaître Alain Schnapp. C'est la base, pourrait-on dire, du travail de l'architecte quand il commence même ses études. Bien sûr, on s'inscrit dans une tradition qui est centenaire, en fait, hein. Il y a effectivement 200 ans, on envoyait les architectes faire des aquarelles à Rome, à Pompéi, même à Palmyre d'ailleurs. Hein. On a des aquarelles très anciennes. Avant l'invention de la photographie, on travaillait déjà sur des techniques de reproduction visuelle. Après, la photographie est arrivée et maintenant, effectivement, on passe encore une étape, c'est la trois dimensions et la reproduction, effectivement, en allant toujours vers une objectivité plus scientifique, puisqu'effectivement, on arrive à une description du réel qui reprend quasiment l'image du réel lui-même. Quoi. Alors, repartons donc dans le temps, quittons la trois dimensions et repartons dans l'Antiquité. Colette Félix s'était rendue à Alexandrie pour son émission Carnet Nomade de France Culture, c'était en 2003. Elle y interviewait Jean-Claude Guilbeault et Eglal Herrera. Alexandrie est certainement l'une des deux ou trois villes fondatrices du monde, enfin de notre monde. Quand on parle d'Alexandrie, on oublie de dire ou de rappeler que tout s'est joué pour nous. Vous savez, nous, occidentaux, nous sommes les héritiers d'une confluence entre le judaïsme, la pensée grecque et le christianisme. Et ce mélange, cette interférence, cette fécondation réciproque, ça s'est joué à Alexandrie. Ça s'est joué en grande partie grâce à la communauté juive hellénisée d'Alexandrie, dont le philosophe Philon d'Alexandrie était un des plus magnifiques représentants, même s'il est un petit peu oublié aujourd'hui. Donc on peut dire que nous sommes tous culturellement des enfants d'Alexandrie. Moi, je pense que la littérature est pour beaucoup dans la reconduction de ce mythe. Et qu'effectivement, il y a eu un relais de textes de l'Antiquité à nos jours qui continue à reconduire ce mythe, même d'ailleurs à contrario, lorsqu'on lit par exemple le texte de Chateaubriand qui débarque à Alexandrie et qui dit que c'est le lieu le plus misérable du monde. Pourquoi le dit-il ? C'est parce qu'il y allait avec l'idée d'une splendeur. Exactement. Avec voilà. Donc effectivement, tous ceux qui y vont et qui écrivent Alexandrie, la mesure à l'aune d'un mythe. Cette bibliothèque peut sembler même un petit peu incongrue parce qu'on se demande qui va venir y travailler pour l'instant à Alexandrie, mais c'est un symbole. En plus, elle a été érigée à l'emplacement exact de l'antique bibliothèque. Effectivement, c'est un symbole d'un rêve universaliste. Oui, on peut dire que le regard des antiquaires dont vous parliez tout à l'heure, Alain Schnapp, compte beaucoup dans cette idée de la perte, puisque quand ils se sont rendus en Orient, à partir du moment où on a rêvé, même Rome d'ailleurs, on a d'abord rêvé les ruines de Rome, et on s'est dit, mais comment un si grand empire a-t-il pu disparaître ? Nostalgie, mélancolie, idée de décadence aussi et de perte, en l'occurrence, ça participe justement de cette vision que l'on a de ces civilisations disparues qu'on voudrait voir aussi brillantes aujourd'hui qu'elles ne l'ont été dans l'Antiquité. C'est un long chemin qui commence au Moyen-Âge avec Hildebert de Lavardin, cet évêque de Tours, cet archevêque de Tours, qui est le premier à donner un panégyrique de Rome. Et dans ce panégyrique de Rome, au XIIIe siècle, Hildebert de Lavardin fait surgir la ville qui parle aux visiteurs. Et la ville dit aux visiteurs, « Regarde, tant que nous croyons à nos anciens dieux, tout restait en l'état. Mais du jour où la vraie foi s'est déclarée, les murs se sont abattus. Et donc, la pensée chrétienne commence par une pensée de la perte. Comment réconcilier ? Ça renvoie évidemment à saint Augustin et à bien d'autres discussions. Mais la pensée de l'absence, elle est présente dans la société occidentale comme un héritage du monde égyptien. On parlait tout à l'heure des grandes religions et c'est tout à fait justifié. Mais je verrais dans l'idée de la perte que nous avons dans la poésie grecque et dans la continuité, parce que cette, si vous prenez les poèmes de Constantin Cava, fils sur Alexandrie, ah, bien sûr. Cette présence de l'absence, elle est insubmersible. Donc, les poètes, depuis l'Égypte ancienne, disent qu'ils sont capables de maintenir ce que la matérialité ne peut protéger. Et c'est d'ailleurs un peu vrai, parce que pour la bibliothèque d'Alexandrie, sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Christian Jacob, on n'a pas la liste des rouleaux qui étaient présents, on en a quelques-unes, on a quelques bribes, pourrait-on dire, pour savoir ce qu'était cette bibliothèque dans le musée, qu'était ce lieu de savoir et de connaissance à proximité du prince qui gouvernait l'Égypte, donc ptolémaïque. Et donc ce savoir, il est par ouï-dire, il est par écho, pourrait-on dire, et on n'a pas la connaissance de ce qui était véritablement conservé dans cet endroit magique, du moins dans notre vision, qu'est la bibliothèque d'Alexandrie, Christian Jacob. Effectivement, la bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc avec les premiers Ptolémées, apparaît comme une sorte d'épicentre d'un grand mouvement culturel dont on ne peut observer que les ondes de choc très périphériques. C'est-à-dire sur le lieu lui-même, sa matérialité, son atmosphère, ce qu'on y faisait concrètement, son apparence matérielle, nous avons très très peu de documents, très peu de données. Et pourtant, quand j'ai annoncé ici autour de moi à France Culture l'idée qu'on faisait quelque chose sur les catastrophes culturelles, le premier mot qui est venu, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. Bien sûr, parce que la bibliothèque d'Alexandrie matérialise un double événement, un double processus culturel. D'abord, ce projet fou, utopique, déraisonnable, très politique des premiers Ptolémées, de rassembler toute la mémoire du monde dans un même lieu. Toute la mémoire, la culture et les savoirs du monde, sous la forme de ces objets matériels que sont les rouleaux de papyrus. Et donc, ils engagent un processus de rassemblement, de collecte, d'achat, de copie, qui très vite va aboutir à accumuler dans ce lieu près de 500 000 rouleaux de papyrus. C'est quelque chose d'énorme. Il n'y avait pas 500 000 œuvres, puisqu'il y avait des textes composés de plusieurs rouleaux. Mais donc, la première conséquence, c'est qu'évidemment, une telle mémoire est en quelque sorte saturée. Elle est inutilisable, c'est une masse, c'est une accumulation. Et les bibliothécaires et savants qui vont travailler dans ce lieu vont s'attacher à faire ressortir l'ordre des textes, l'ordre des œuvres, l'ordre des genres littéraires à partir de cette accumulation. Faire des classifications. Voilà, un travail de cartographe. Un travail de cartographe. Et avec en même temps ce projet intellectuel à partir de 400, 500, 1000 rouleaux d'Homère, faire ressurgir le texte de l'Iliade ou de l'Odyssée. Donc voilà pour le projet. Et l'autre aspect du mythe d'Alexandrie, c'est évidemment la destruction. Comment s'est-elle passée ? On ne le sait pas. On ne le sait pas. On a quelques éléments. C'est-à-dire, dans l'Antiquité, on a toute une tradition qui nous dit c'est la faute à César. Donc, ouais. en 47... César vient faire un siège à Alexandrie. Voilà. Et on sait qu'il y a un incendie. Voilà. Et donc, des tas d'auteurs qui ne sont jamais allés à Alexandrie, qui n'ont pas de source, nous disent la bibliothèque a brûlé. C'est une catastrophe effroyable. Et en fait, nous avons des témoignages très précis qui nous indiquent qu'on a continué à travailler à Alexandrie après cet incendie en 47 avant Jésus-Christ. Donc c'est une destruction qui intervient par étapes jusqu'au 2e, 3e siècle, et sans doute après, à l'occasion des guerres, des pillages, des incendies. Mais c'est pas une destruction massive et immédiate, c'est une sorte de lente déperdition. Et paradoxalement pour nous, ce n'est pas Alexandrie qui a joué le rôle de transmetteur, qui nous a livré cet héritage antique. Ce sont des bibliothèques périphériques, oui. Des lieux de conservation périphériques, et notamment via l'Orient, via la Perse, le monde arabe, la Syrie, davantage que ce grand dépôt de mémoire qui peut nous faire penser aux immenses gisements d'informations numériques d'aujourd'hui. Oui, et c'est d'ailleurs cette perte de la bibliothèque d'Alexandrie est à la base, pourrait-on dire, de ce rêve que l'on a, que par l'archéologie à Pompéi ou ailleurs, on retrouvera des textes qui étaient peut-être à Alexandrie ou qui étaient connus des contemporains de la bibliothèque d'Alexandrie et qui ont totalement disparu, Alain Schnapp, ce rêve en disant, voilà, on va à Pompéi dérouler des rouleaux et on va peut-être en trouver un texte nouveau de Platon, d'Hérodote qu'on ne connaissait pas. Oui, certainement, mais comme Christian vient de le dire, c'est par la périphérie qu'en somme la tradition s'est maintenue. C'est-à-dire que, en quelque sorte, les leçons de la nature et les leçons de l'histoire, elles détournent la rationalité que les hommes avaient imaginée en créant cette bibliothèque centralisée. Et les Mésopotamiens avaient déjà des réponses à ça, parce que les Mésopotamiens construisent en briques, alors que les Égyptiens construisent en pierre. Donc il n'y a pas de problème, les pyramides, elles étaient énoncées comme insubmersibles, et elles sont restées comme telles. Par contre, tous les palais mésopotamiens s'écroulaient au bout de 30 ou 40 ans. Donc que faisaient les Mésopotamiens ? Ils avaient des briques de fondation. Ces briques de fondation, ils les mettaient dans les fondations, elles-mêmes, des nouveaux bâtiments, ce qui permettait, 5, 10 siècles, 15 siècles après, aux souverains, leurs successeurs, de les retrouver. Et il y a même une de ces tablettes qui dit, si tu trouves cette tablette, lis-la, commente-la, révère-la. Si tu es incapable de faire cela, va au diable. Oui, et donc ça veut dire qu'on peut, effectivement, c'est une autre façon de conserver que celle qu'on a généralement, on a hérité nous-mêmes d'une certaine façon. C'est une technique soft, une technique qui n'a pas la compacité des constructions égyptiennes ou des rêves documentaires des souverains hellénistiques, mais qui diffracte la connaissance dans l'espace. Oui, et donc, Christian Jacob, on peut dire que cela aussi tient à la concurrence des souverains entre eux. Il y a Alexandrie, mais il y a Pergame. Et quand un auteur romain va considérer que Pergame était peut-être avant Alexandrie, alors que tout laisse penser qu'au contraire, Alexandrie était avant Pergame, eh bien, on se dit, c'est aussi cela qui fait que Alexandrie est centrale. C'est parce qu'on s'est comparé à cette bibliothèque-là et on a tenté de la reproduire ailleurs. C'est ce que vous expliquez, Christian Jacob, dans votre livre Les mondes lettrés au lieu de savoir, qui paraîtra bientôt aux éditions des Belles Lettres. Oui, parce que le propre des bibliothèques et de cette forme de culture, c'est que les livres sont à la fois des objets reproductibles, mobiles, et des objets uniques. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre un exemplaire particulier, un manuscrit particulier, par exemple ayant appartenu à Aristote ou à Théophraste, c'est-à-dire quelque chose qui est irremplaçable et unique, et des textes qui peuvent être copiés et qui peuvent donc être possédés, conservés, dans différents lieux de savoir et différents lieux d'archivage. Et donc, effectivement, les bibliothèques qui sont venues après Alexandrie, comme Pergame, les bibliothèques de cités grecques et les bibliothèques romaines et les bibliothèques privées, ont toutes eu pour objectif de s'approprier cet horizon des textes écrits. Et ils avaient déjà la carte, c'est-à-dire qu'ils avaient le catalogue d'Alexandrie, et ils se sont dit, on va essayer d'acquérir tous les livres possibles et de reconstituer à des échelles plus petites des mini-Alexandries. C'est-à-dire on en trouve à Rome au second siècle de notre ère, où de très riches Romains avec des Grecs lettrés ont leur exemplaire du catalogue d'Alexandrie et achètent des livres, font copier des livres dans les bibliothèques publiques et parlent de leur trouvaille en disant voilà, on arrive à reconstituer par exemple tout ce qui concerne les comédies grecques ou les traités de cuisine ou autres. C'est-à-dire que la conservation et la sauvegarde culturelle peut être décentralisée à partir du moment où on admet le fait que la copie d'un texte a la même valeur que l'original. Oui, c'est ce que vous dites, Alexandrie devient un modèle exportable irreproductible. C'est-à-dire que c'est parce que ces textes peuvent être reproduits, eh bien, on se dit, ben, il n'y a pas de perte irrémédiable. Sauf, évidemment, à ce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Christian Jacob, les insectes s'y mettent et qu'il faille reconstituer les trous, les manques. C'est-à-dire, comme pour un bâtiment antique, savoir quelle était l'arche qui a peut-être disparu dans un tremblement de terre. Là, on va tenter de gommer le manque, en l'occurrence, Christian Jacob. Oui, je dirais qu'il y a un autre aspect, c'est la pathologie des textes et cette espèce de dégénérescence, d'entropie qui les affecte de tout un ensemble de corruptions dont les grammairiens, les philologues, les éditeurs vont essayer de repérer les symptômes. Alors ça peut être un mot qui manque, un mot qui a été rajouté, une faute d'orthographe, une lacune, une déchirure, un contresens d'un scribe. Et donc la sauvegarde de ce patrimoine intellectuel qui vient du monde grec, en particulier romain, va se déployer dans toute la modernité européenne par le biais de ces techniciens du texte, de ces gardiens du texte, de ces artisans de la lisibilité, que sont des savants qui comparent les copies, qui essayent de restituer, de corriger, de traduire, d'éditer, d'imprimer et de diffuser. C'est-à-dire c'est un processus extraordinairement volontariste. Et une question même de réinventer ce passé, parce qu'effectivement, quand la perte est trop grande, il faut bien boucher le trou et on va tenter de se dire, ben, il y a quelque chose là qu'on peut peut-être imaginer par rapport à tout ce que l'on sait du monde qui l'a produit, Alain Schnapp. Ben, chez Lucain, dans la Pharsale, on voit ça très bien, parce que Lucain accompagne César à Troie, et César regarde ces ruines et il est effrayé, c'est des tout petits tas, ça c'est le tombeau d'Hector, ça c'est... Il ne peut pas y croire, ça ressemble à rien du tout. Et à ce moment-là, le poète, le philologue en même temps, vient et dit... « Regarde, prince, si tu me confies le soin de ta mémoire, grâce à mes vers et à mon savoir, on parlera de toi, et mes mots seront plus résistants que ces maigres vestiges. » Donc cette idée-là est présente. Oui, on pourrait faire peut-être la même chose avec ces villes en grande partie détruites, que sont les villes du Proche-Orient depuis le début de la guerre en Irak ou en Syrie. Un reportage de Christian Chesneau à Alep pour France Inter, c'était en 2017, en avril 2017, avec Mahamoun Aboulkarim, qui est directeur du patrimoine des antiquités de Syrie. Il se promène dans Alep. La frontière de la vieille ville. Et là, vous allez reconstruire à l'identique. Tout le vieil Alep va reconstruire comme avant. Vous êtes le patron des antiquités syriennes. Il y a 3 mois, Alep était libéré des groupes armés. Premièrement, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez découvert Alep? Déjà, quel était le tableau à l'époque, il y a 3 mois? Je peux vous donner la confirmation que 40% est bien, en général. 30% pourrait être restauré aussi, donc c'est moyen comme de dommages. Mais franchement, il y a 30% catastrophique. Et donc, c'est un vrai défi aujourd'hui, comment on va dans l'étape suivante. Je pense qu'on doit être vigilant contre toutes les idées qui visent à déformer l'image de la ville, au contraire d'autres expériences dans le monde. Nous, on insiste de rendre Alep sa splendeur comme une ville ancienne, pas de nouvelle construction moderne, absolument pas. Et pour commencer, je pense, il faut que le peuple d'Alep revienne à sa ville. C'est à travers la mémoire, les souvenirs de ce peuple, on va rendre l'âme d'Alep à la ville d'Alep. Et ensuite aussi, la vraie question, comment on va traiter les bâtiments qui sont rasés? Quel va être à la place de ces bâtiments? À mon sens personnel, on doit faire des parcs archéologiques, laisser des vides, donner un peu... des places vraiment pour le peuple, etc. Mais à mon avis, ça va être, comment dire, un gros problème si on va construire des nouvelles hôtels à la place des bâtiments qui sont détruits. C'est un défi, on doit faire gaffe. mais soyez sûr, Direction générale des antiquités des musées, elle va faire tout possible, toute la résistance jusqu'à dernière minute pour défendre la ville d'Alep contre n'importe quel projet qui soit bidon. N'importe quel projet bidon, effectivement, c'est compliqué pour un ancien, parce qu'il n'est plus directeur du patrimoine des antiquités de Syrie, du patrimoine des antiquités de Syrie, de à la fois vouloir reconstruire, alors que le régime dont il est un des membres a été en grande partie responsable de la destruction à l'Achnap. Mais enfin, on voit bien dans la discussion, en l'occurrence, qu'il a avec Christian Chesneau pour ce reportage de France Inter, que tous les problèmes que nous abordons depuis le début, la perte, la compensation de cette perte, la reconstruction, tout cela, c'est à l'œuvre en Syrie aujourd'hui. Dans la Rome antique, nous avons plusieurs descriptions de Sparte, d'Athènes et de grandes villes. Et les auteurs, en général, concluent de toute cette grandeur ne reste que le nom, nomen, c'est-à-dire les mots pour la décrire et les poèmes pour l'évoquer. Et on a même des poèmes où les villes parlent en disant « Je suis Sparte, j'ai tellement souffert. Je suis Mycène, j'ai tellement souffert. » Donc ça, c'est une des voies. Mais la seconde, c'est la réflexion, et elle est intéressante dans la bouche de quelqu'un qui est en charge du patrimoine, qui est le rapport entre la présence et l'absence, qui est au fond de la structure, de la définition du terme « ruine et vestige ». On peut rappeler ce qu'on appelle en Grèce le serment de Platée. Le serment de Platée, c'est le serment que les cités grecques porte avant d'aller combattre les envahisseurs venus de Perse. Dans ce serment, il est dit qu'on doit obéir aux officiers, qu'on ne doit pas déroger à l'ordre de bataille, mais surtout qu'on ne doit pas reconstruire les temples qui ont été incendiés du fait de l'impiété des Perses. Et cette idée qu'il y a des lieux qui sont des lieux de mémoire laissés pour tels, elle est exprimée pour la première fois là, dans un certain nombre d'inscriptions et de textes qui datent du 5e et du 4e siècle. Et nous la retrouvons dans un des monuments qui pèse le plus sur l'histoire de la France contemporaine, qui est Oradour-sur-Glane. Bien sûr. Et la question de la reconstruction en Syrie et dans les territoires adjacents, elle est liée directement à cela et au travail des architectes. Oui, et confie-moi ta mémoire, on en parlait tout à l'heure, c'est d'une certaine façon ce qu'on fait à une société comme Iconem, puisque vous travaillez aussi avec des photos, avec des documentations qui sont des mémoires photographiques, pourrait-on dire, d'un passé désormais révolu, que ce soit sur le krach des chevaliers, que ce soit à Alep ou ailleurs, puisque vous avez fait passer des drones pour pouvoir qui ne sont pas des drones militaires, en l'occurrence. Non, c'est de la documentation photographique. Donc on a fait, effectivement, on a travaillé à la fois sur Alep et sur Mossoul, en fait. On est encore en train de travailler sur Mossoul. Donc c'est deux villes qui posent à peu près les mêmes problématiques, et c'est des défis vraiment importants, parce que ces villes qui ont été détruites, qui ont été bombardées, elles sont réoccupées. En fait, les populations reviennent très vite et des restaurations se font de manière un petit peu pas très coordonnée au début. Et donc c'est pour ça que c'est fondamental de les documenter le plus vite possible, c'est-à-dire juste après les batailles, qu'on a encore les débris au sol avant le nettoyage des rues, pour garder finalement cet état de destruction qui vont nous permettre de comprendre effectivement comment la ville a été détruite déjà, quels monuments ont été détruits, la gestion des tas de déblais, etc. Tout ça, c'est en fait de l'archéologie de l'instant présent, hein, quasiment. Et on ne peut pas, nous, après avoir une action sur effectivement les restaurations de chacune, enfin c'est des ensembles qui sont immenses, on ne peut pas tout contrôler. Pour Alep, en tous les cas, c'est immense, oui. Pour Alep, pour Mossoul aussi, hein, c'est terrible, c'est très comparable en fait, hein, l'état de ces deux villes aujourd'hui. Donc à quoi sert l'imagerie? C'est garder un état comme si on fossilisait en fait une couche stratigraphique, hein. Finalement, c'est une méthodologie archéologique pour en avoir un état donné, un état de destruction. Alors, ce n'est pas une destruction due aux guerres, mais on a vu que des étudiants en archéologie et en histoire de Rio, dont on parlera demain dans notre documentaire après la destruction du musée national de Rio, ont fait appel à tous ceux qui étaient passés dans ce musée en disant « Donnez-nous vos photos, au moins on aura les photos de certains diplodocus, de certaines espèces qu'on avait conservées dans ce musée d'histoire naturelle et d'anthropologie. » et qui sont maintenant disparus. C'est aussi ce qu'on peut faire avec les milliers, millions, centaines de milliers de touristes qui sont passés dans la Syrie d'avant la guerre. Exactement. Donc, en fait, on s'intéresse, grâce à ces technologies en fait, d'assemblage d'images, hein, qui permettent de plus en plus de traiter l'image, la photographie comme un outil technique, ben on s'intéresse de plus en plus à revisiter des archives anciennes qui, jusque-là, effectivement, étaient considérées comme voilà des simples photos. Ça peut être des simples photos de vacances, de touristes. En fait, ce qu'on avait fait donc il y a quelques années sur le Krak des Chevaliers, on avait construit un programme avec nos ingénieurs hein, qui aspirait automatiquement sur Internet toutes les images. Sur Flickr et sur voilà, les grandes bases de données photographiques. Voilà, toutes les images du Krak des Chevaliers. Donc on avait effectivement beaucoup de photos avec au premier plan une petite famille. Et puis dans l'arrière-plan, on avait un élément du Krak des Chevaliers qu'on n'avait pas sur d'autres images et qui nous donnait à voir l'état de conservation justement avant le conflit de ce monument. Et en traitant ces images de manière automatique, on peut les repositionner dans l'espace et recréer en fait finalement l'ossature 3D du Krak des Chevaliers tel qu'il était avant les bombardements. Et ça, après, on peut le superposer avec des relevés qu'on a fait sur le terrain, justement, avec Mahmoud Abdulkarim et ses équipes il y a quelques années. Et du coup, voir pierre à pierre, en fait, les dommages sur la façade de cet édifice. Et ça, c'est une approche qui est complètement nouvelle, qui nous permet, parfois même sans avoir à déplacer notre équipe de Paris, en fait, en travaillant justement avec ces archéologues qui sont sur place, ces archives photographiques qui sont sur Internet, d'avoir un constat d'état très précis finalement. Pour Alexandrie, c'est assez étrange parce qu'il a fallu un grand silence de plusieurs centaines et même milliers d'années, en l'occurrence Christian Jacob, pour se dire on va reconstruire au même endroit une bibliothèque dont on ne sait à peu près rien, sinon trois ou quatre textes, dont on ne sait pas ce qu'elle comportait, dans un contexte qui est totalement différent, puisqu'évidemment, ça n'est pas la même chose que d'être l'Alexandrie du 3e ou du 2e siècle avant, et d'être l'Alexandrie du 21e siècle. Les bibliothèques se sont multipliées, l'exemple d'Alexandrie a porté ses fruits partout dans le monde, d'une certaine façon, et au bout du compte, on fait quelque chose qui est quoi, à contre-pied, qui est différent, qui est là juste pour pouvoir rappeler une mémoire et se dire sur ce lieu, il y a eu cela. Christian Jacob. La Bibliotheca Alexandrina regroupe effectivement tout un ensemble de paradoxes. Donc elle a été construite à l'initiative du président Moubarak et de l'UNESCO, avec le projet effectivement de réveiller le mythe antique et de refaire d'Alexandrie une grande capitale culturelle du monde arabe. On ne sait pas d'ailleurs si c'est l'Alexandrie antique qui était un mythe pour le président Moubarak et l'UNESCO, ou l'Alexandrie rêvée par et décrite par Laurence Durel dans les années 1940-50. Oui, disons qu'il y a une stratification de rêves et une épaisseur mythologique dans les fondations de cette nouvelle bibliothèque, qui présente quand même un trait particulier, c'est-à-dire qu'elle accueille le numérique. Elle accueille le numérique, et donc le rêve des Ptolémées, qui était de faire venir tous les livres de la Terre physiquement dans le musée d'Alexandrie, a cédé la place à la production d'alias, d'avatars numériques qui permettent à toutes les grandes bibliothèques du monde occidental de déposer des livres, des exemplaires, des collections numériques dans Alexandrie. Et la bibliothèque d'Alexandrie me permet aussi de rebondir par rapport à l'archéologie et à l'architecture dont on vient de parler, avec un trait, me semble-t-il, tout à fait particulier. C'est-à-dire, je pense à ces petites chapelles sur des îles grecques ou dans des villages grecs où l'on voit au niveau des fondations un fût de colonne, une pierre, une inscription, où il y a donc un réemploi constant et une sorte de réutilisation des étapes antérieures, des habitats, des couches antérieures et les plus anciennes. Et je pense que la culture, c'est ça. C'est-à-dire, la culture, c'est du réemploi, du bricolage, de l'hybridation, du métissage, et c'est ce que nous faisons dans nos métiers, dans nos discours. Nous employons des mots qui ont déjà énormément circulé, qui ont une histoire, une mémoire, un autre sens parfois, une sédimentation, voilà. Et tout chercheur, tout intellectuel, tout journaliste, tout créateur aujourd'hui s'appuie et bricole avec la pensée, les mots et les discours de ceux qui l'ont précédé. Ça peut être Homère, Aristote, ou ça peut être des Michel Foucault et Roland Barthes. Oui, et c'est aussi ce que vous faites dans l'introduction de ce très beau livre, Une histoire des civilisations, qui paraîtra la semaine prochaine aux éditions La Découverte avec l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, dans un livre qui est co-dirigé par Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et vous-même, Alain Schnab, vous réfléchissez à la façon de faire perdurer l'expérience des antiquaires dont vous parliez tout à l'heure, dans un monde qui n'a plus rien à voir, le monde contemporain, avec les nouvelles technologies qui viennent faire autre chose. Il y a Louise de Kerengo qui est dans ce livre, cette femme conservée dans un cercueil de plomb, je crois du XVIIe siècle, c'est ça, qui aujourd'hui parle par l'intermédiaire des scanners et des IRM d'un hôpital du côté de Rennes, je pense, là où elle a été trouvée. Et simplement, on n'a plus les méthodes invasives de dans le temps pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un document. On n'est pas obligé de le détruire forcément, Alain Schnapp. On est dans une phase de transformation qui est la plus importante depuis la Renaissance. À la Renaissance, on invente le dessin archéologique. C'est les antiquaires, c'est Francesco di Giorgio, Cyriaque d'Ancône dira lui-même « Je n'aurai pas assez de ma vie pour documenter tout ce qui s'en va ». Et son idée, face à Rome, face aux antiquités de la Grèce, est que brusquement, il faut ajouter des dessins aux mots. Et ça, c'est l'explosion de la Renaissance, c'est l'idée des Lumières, c'est la première fracturation de cet ensemble avec l'invention de la photographie au milieu du XIXe siècle. Et maintenant, nous sommes, dans ces années, décennies du XXIe siècle, devant une hyper-technologie à laquelle il faut adapter nos capacités d'analyse. Et donc, on retrouve là la métaphore borgésienne que Christian rappelait tout à l'heure. C'est-à-dire que si... Comment représenter ? Si on va jusqu'à une représentation de 1 pour 1, alors la carte recouvre le territoire. Ouais. Et donc, nous, archéologues, historiens, philologues, nous avons à penser cette duplicité du monument. Un monumentum, en latin, c'est ce qui vous avertit. Qui monette. Mais monumentum, ça a aussi un autre sens, enfin, c'est une étymologie aussi différente, pour monstrum. Ce qui devient impensable, ce qui sort de l'ordinaire. Et nous sommes pris intellectuellement dans ce champ, et les contributions qui ont été réunies dans le livre que nous publions à la découverte, eh bien, elles tendent à la fois penser à la structure intellectuelle qui autorise de se confronter avec le passé dans sa façon matérielle, et à décliner l'ensemble des technologies qui rendent visible et lisible ce passé qui nous échappe. Parce que, en gros, c'est toujours la même chose. On cherche le passé, mais on n'arrive pas à en posséder, à représenter la structure. Je ne vais pas vous vieillir, Alain Schnapp, mais lorsque vous commencez à être archéologue à la fin des années 60, les techniques n'ont rien à voir avec celles que vous connaissez et que connaissent vos confrères aujourd'hui, Alain Schnapp. Absolument. À l'époque, d'abord, nous n'avions, les archéologues de ma génération, ils avaient eu la chance à Paris de rencontrer le roi Gourand. Donc, le roi Gourand nous avait inculqué l'idée que l'archéologie est un acte, l'archéologie militante, est un acte chirurgical. Et que comme le chirurgien, nous n'avons pas droit à l'erreur. Qu'une fois un déblaiement effectué, on ne reviendra pas. Mais en même temps, nous n'avions pas les outils technologiques, les outils cartographiques, les outils de dessin. Et bien sûr, tout ce qui est lié aux techniques de prospection moderne, par le laser, par les satellites, etc. Le LIDAR, donc, qui permet... Le LIDAR qui permet de voir sous les couverts végétaux, qui a transformé notre connaissance d'un certain nombre de grands sites. Donc il y a là vraiment un défi qui est, tient dans la collaboration entre l'archéologue et l'architecte. Oui, Yves Bellemain. Oui, on a à la fois des nouvelles possibilités de découverte, hein, effectivement, que ce soit avec le LIDAR, avec le drone, en fait, on a pu découvrir des sites qui étaient invisibles, même avec l'imagerie satellite. Et surtout, des nouvelles possibilités de transmission et de diffusion, en fait, qui changent la méthodologie même de travail des archéologues et des archéologues entre eux. Je prends un exemple assez simple. Donc, c'était en 2015, on a fait un relevé très précis d'un site en Afghanistan, perdu un petit peu dans les montagnes, qui s'appelle Messaïnak. Bah, qui est un site extraordinaire. Voilà, qui est un site extraordinaire. La DAFA, donc la Direction Exactement. Archéologique Française en Afghanistan, était à l'origine des fouilles sur place, mais aussi des restaurations sur place, parce qu'il y avait beaucoup de temples bouddhistes qui ont dû être restaurés. C'est une ancienne mine de cuivre. Exactement. Qui a été rachetée par les Chinois. La concession a été donnée à une compagnie chinoise. Effectivement, donc le site, son destin, c'est de disparaître. Hein. On a retrouvé des centaines de statues de Bouddha du 4e siècle à l'intérieur, à l'intérieur des monastères, qui sont splendides. Et donc, on a pu, grâce au gouvernement afghan, en fait, scanner l'intégralité de ce site en quelques jours. Aujourd'hui, en fait, malheureusement, la DAFA a dû déménager pour des raisons de sécurité au Turkménistan. Parce que c'était un endroit, effectivement, aussi... Voilà, cette zone est compliquée parce qu'effectivement, elle est entourée de villages talibans. Aujourd'hui, c'est très difficile, en fait, d'y accéder. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, des archéologues continuent à travailler sur ce site à travers ce modèle numérique. Alors, bien sûr... ça ne remplace pas le terrain, hein. c'est pas un archéologue qui va me contredire, mais au moins ça permet de continuer à activer des recherches, en fait, effectivement, sur des civilisations et des sites qui aujourd'hui ne sont plus accessibles à la communauté scientifique. Voilà, donc peut-être des notes d'espoir dans le désespoir de la perte, parfois, comme d'ailleurs ce qui se passe du côté de Rio. On sait combien il est difficile aujourd'hui d'envisager la perte de plus de 20 millions d'objets dans cet incendie gigantesque qui a eu lieu du 2 au 3 septembre dernier dans le parc de la Quinta da Boa Vista à Rio. Et nous avons tenté, nous, de demander à des chercheuses et des chercheurs, ils sont anthropologues, ils sont entomologistes, ils sont historiens, historiennes, qui ont fréquenté ce lieu du Musée National de Rio, de se souvenir de ce qu'il y avait, de ce qu'ils y avaient vu. C'est un exercice d'art de la mémoire, pourrait-on dire, un extrait du documentaire qui passera demain dans la Fabrique de l'Histoire. Le Musée National est ouvert de 10h à 16h, sauf le lundi, entrée libre. On y remarquera spécialement une collection unique au monde d'objets et d'armes indigènes. Ce musée est situé sur une hauteur qui domine tout le parc. Au pied de la terrasse, statue de Pedro II. On monte par un large escalier de pierre et l'on arrive sur une autre terrasse, au fond de laquelle ouvrent les trois grandes portes du musée. On entrait, on avait juste des vins. Tout d'abord, c'était les météorites Bendigo, Felipe Brandi, qui a résisté à l'incendie et est devenu depuis une sorte de symbole de la résistance du musée. Il était là, posé sur un grand socle en marbre. Il accueillait les visiteurs. Je me souviens qu'au rez-de-chaussée, à droite, il y avait une première salle de paléontologie avec un crâne de tyrannosaure. Je me souviens, on montait l'escalier et à l'étage, on arrivait sur la première salle de paléontologie. Il y avait à gauche un cousin du Megatherium, c'est un grand paresseux. Puis il y avait un cryptodon aussi, qui était comme un tatou magnifique. Il y avait aussi les salles indiennes, donc avec des objets qui avaient été recueillis ou donnés au musée depuis le 19e siècle et qui donnaient des informations sur la vie de certaines communautés indiennes, mais qui retraçaient surtout l'histoire de l'anthropologie au Brésil telle qu'elle s'était constituée Anaïs Fléchet. Tout au long de ces deux siècles. Et parmi ces objets, il y avait beaucoup d'instruments de musique, notamment des flûtes. Et puis il y avait aussi quelque chose qui était sur le mur, hein, un des murs qui était le portrait du maréchal Candido Rondon. Benoît de l'Étoile. Qui est cet homme qui est très important dans l'histoire de l'indigénisme au Brésil et dans l'histoire des explorations, puisque en fait, lui-même qui était d'origine métisse, c'était un militaire qui a fait un nombre d'explorations sur les frontières du Brésil, notamment en Amazonie, dans le Mato Grosso. Qui avait pour but à la fois de reconnaître les frontières septentrionales du Brésil, mais aussi d'installer des poteaux télégraphiques. Et lors de l'une de ces expéditions, Rondon a emmené dans ses bagages un anthropologue, enfin scientifique anthropologue, avec d'ailleurs plusieurs casquettes, Edgar Roquette Pinto. Et Roquette Pinto a enregistré des chants de diverses tribus indiennes, notamment les Indiens Parecis du Mato Grosso, sur des cylindres. Il avait un appareil qu'on pouvait voir dans le musée, d'ailleurs, un appareil portatif pour enregistrer sur cylindre. Et les cylindres étaient toujours visibles dans le musée. Programme 14594, collection du Musée national, Parecis da Rondônia, copiado no Institut National du Cinéma Educativo. C'est peut-être parce qu'on vous a lu les uns et les autres qu'on a pensé à cette façon de restituer, justement, par la mémoire de ceux qui l'ont vécu, Alain Schnapp et Christian Jacob, l'existence d'un monument aussi important est disparu. Alain Schnapp, ça fait partie des vieux arts de la mémoire qui ont été travaillés depuis très longtemps. Voilà, enfin, depuis l'Antiquité classique, cette question des arts de la mémoire et des palais de mémoire, Christian Jacob s'en est beaucoup occupé, elle obsède dans cet horizon. Et nous risquons de perdre quelque chose si nous ne sommes pas conscients de cela. Oui, Christian Jacob. Oui, les arts de la mémoire, c'est une architecture mentale qui peut se superposer sur les architectures réelles. On peut penser à des temples, à des colonnades, à des villes, à des voyages, à des musées. Et je trouve que ce qui vient d'être dit sur le musée de Rio évoque singulièrement les tableaux de Philostrate, une très belle ekphrasis qui remonte au deuxième siècle après Jésus-Christ, deuxième, troisième siècle. Merci. Alors, on a essayé de la mettre en œuvre. Justement, cette relation au passé et l'Antiquité dans le documentaire qu'on pourra entendre demain pour conclure notre série sur les catastrophes culturelles. Merci à tous les trois. Je rappelle que l'exposition Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, commence la semaine prochaine à l'Institut du Monde Arabe et Iconem est évidemment partenaire de cette exposition pour avoir fourni beaucoup de reconstitutions et de photos de ces cités millénaires, que ce soit Palmyre ou Mossoul. Je rappelle que votre livre Christian Jacob, Des mondes lettrés au lieu de savoir, paraîtra aux éditions des Belles Lettres à partir du 19 octobre. On le trouvera en librairie. Il s'appelle donc Des mondes lettrés au lieu de savoir, et que votre livre commun, donc une histoire des civilisations, Alain Schnapp avec Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et bien d'autres chercheuses et chercheurs, paraîtra aux éditions de La Découverte avec le sous-titre « Comment l'archéologie bouleverse nos connaissances » la semaine prochaine. Merci à tous les trois d'être venus. Disons que cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Inès de Bruyne était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Et puis engageons nos auditeurs à se rendre, s'ils le souhaitent, samedi prochain, donc samedi qui vient, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne où France Corte Culture organise un forum Les Idées Claires en public, donc c'est samedi à dès 9h. Il y aura Le Grain à Moudre, Les Chemins de la Philosophie, La Méthode Scientifique et un entretien de clôture avec Éric Rochon sur ce forum qui a lieu à l'occasion de la Fête de la Science.